Tous les hommes d'armes étant donc à sa recherche et les ports surveillés, Edgar trouve refuge dans la lande sous les oripeaux de Tom, un pauvre mendiant. Et quand Lear arrive lui-même au château de Gloucester, il s'entretient avec Wigan, sa fille cadette, en présence de son mari, Cornouaille. « Je suis heureux de voir votre Altesse. »« Je le crois, Wigan. Je sais que de raison j'ai pour le croire. Si tu n'étais pas heureuse, je divorcerais avec la tombe de ta mère, sépulcre d'une adultère. »« Bien-aimé, Wigan, ta sœur est une méchante. »« Oh, Wigan, elle a tâché ici comme un vautour, sa dévorante ingratitude. » Il met la main sur son cœur. « Je puis à peine te parler. Tu ne saurais croire avec quelle perversité. » « Oh, Wigan, je vous en prie, sire, prenez patience. Vous êtes, je l'espère, plus apte à méjuger son mérite qu'elle ne l'est à manquer au devoir. Et qu'est-ce à dire? Je ne puis croire que ma sœur ait en rien failli à ses obligations. Si par hasard, sire, elle a réprimé les excès de vos gens, c'est pour des motifs et dans un but si légitime qu'elle est pure de tout blâme. Ma malédiction sur elle. Oh, sire, vous êtes vieux. La nature en vous touche à la légitime extrême de sa carrière. Vous devriez vous laisser gouverner et mener par quelque discrète tutelle, mieux instruite de votre état que vous-même. Aussi, je vous en prie, retournez auprès de ma sœur et dites-lui que vous avez eu tort, sire. Moi, lui demander pardon. Voyez donc comme ce langage ferait honneur à une famille. Chère fille, je confesse que je suis vieux. La vieillesse est parasite. Je demande à genoux que vous daignez m'accorder le vêtement, le lit et la nourriture. Bon, sire, assez. Ce sont des plaisanteries plus gracieuses. Retournez près de ma sœur. Jamais, Wigan. Elle a restreint ma suite de moitié, m'a jeté de sombres regards et m'a frappé au fond du cœur de sa langue de serpent. Que toutes les vengeances accumulées du ciel tombent sur sa tête ingrate. Frappez ces jeunes os de paralysie, souffle néfaste. Vous, éclairs agiles, dardez vos aveuglantes femmes dans ses yeux dédaigneux, empoisonnez sa beauté, vapeur aspirée des marées par le puissant soleil, et flétrissez sa vanité. Oh, Dieu propice, vous ferez les mêmes vœux pour moi dans un accès de colère. Non, Wigan, jamais tu n'auras ma malédiction. Ta nature palpitante de tendresse ne t'abandonnera pas à la dureté. Son regard est féroce, mais le tien ranime et ne brûle pas. Ce n'est pas toi qui voudrait lésiner sur mes plaisirs, mutiler ma suite, me lancer de brusques paroles, réduire mon train, et, pour conclusion, opposer les verrous à mon entrée. Tu connais trop bien les devoirs de la nature, les obligations de l'enfance, les règles de la courtoisie, les exigences de la gratitude. Tu n'as pas oublié cette moitié de royaume dont je t'ai doté. Bon, sire, venez au fait. Bruit de trompette. C'est Gunril qui arrive. Et se liguant avec sa sœur et son mari, elles s'accordent pour que leur père n'ait qu'un seul homme d'escorte, le fou. Accablé par la dureté et l'ingratitude de ses filles, Lear quitte le château de nuit, en pleine tempête, en compagnie du fou. Vent, soufflez à crever vos joues, faites rage, soufflez, cataractes et ouragans, dégorgez-vous jusqu'à ce que vous ayez submergé nos clochers et noyé leurs coques. Vous, éclair sulfureux, actif comme l'idée, avant-coureur de la foudre qui fend les chaînes, venez roussir ma tête blanche. Et toi, tonnerre exterminateur, écrase le globe massif du monde, brise les moules de la nature et détruise en un instant tous les germes qui font l'ingrate humanité. Oh, mon oncle, de l'eau bénite de cour, dans une maison bien sèche, vaudrait mieux que cette pluie en plein air. Rentre, bon oncle, et demande la charité à tes filles. Voilà une nuit qui n'épargne ni sage ni fou. Coup de foudre. Gronde toutes les entrailles, ciel. Crache, flamme, jaillit, pluie. Pluie, vent, foudre, flamme, vous n'êtes point, mes filles. Ô vous, éléments, je ne vous taxe pas d'ingratitude. Jamais je ne vous ai donné de royaume. Je ne vous ai appelé mes enfants. Vous ne me devez pas obéissance. Laissez donc tomber sur moi l'horreur à plaisir. Me voici, votre souffre-douleur, pauvre vieillard infirme, débile et méprisé. Mais non, je vous déclare servile ministre, vous qui, ligué avec deux filles perfides, lancez les légions d'en haut contre une tête si vieille et si blanche. Oh, oh, c'est affreux. Quiconque a une maison où fourrer sa tête a un bon couvre-chef.